Ici au micro, c'est Gloop pour vous présenter aujourd'hui donc un nouveau direct live from the Elsass, mais qui aujourd'hui sera consacré au rock. Ce sera donc un Rocket Live from the Elsass. Je suis en train d'essayer de me connecter au chat, là ça a l'air de pas vouloir, mais je vais quand même essayer, j'insiste, hein. Et en attendant, ah bah voilà. Donc avec comme premier titre, donc hop, connexion, on appuie dessus, voilà, ça y est, il a voulu. Donc pour commencer, donc c'est Donnerjart, ça c'est le titre, de Araxas, ça date du 26 novembre 2007. Araxas qui a son qui a sa page personnelle avec donc ben il y a par exemple un logo Dogmazik, mais il y a aussi un logo Javanzouille, et puis un autre logo. Alors donc entrée, ben il n'y a pas besoin de revenir à l'entrée. On a quoi, Contactologie, Omedjoum. On a différents trucs, ça a l'air assez kabbalistique comme site. Donc le site, hein, c'est page perso-orange.fr, page perso collée ensemble, slash Araxas, A-R-A-K-S-A-S. Et donc c'est là que vous allez pouvoir regarder un petit peu les hiéroglyphes qu'il nous met sur son site web. Alors le morceau Donnerjart est sous licence Creative Commons by NDND 2.5, ça veut dire qu'on peut le diffuser librement dans un cadre non commercial et qu'on ne peut pas en diffuser de version modifiée. Ce titre qui bien entendu est inscrit sur Dogmazik. Et ça, c'était donc pour le premier morceau de ce direct, de ce Rocket Live from the Elsass du 1er juin 2009. Et donc Donnerjart par le groupe Araxas. Avec maintenant aussi quelques petites nouvelles. Donc depuis la dernière émission, ben, petit changement, j'ai reçu un courrier de Views où on m'expliquait qu'il ne prenait plus en charge les contenus audio. Donc grosso modo, progressivement, ça va être sorti de leur serveur, tout ce qui est en BitTorrent. Et les pages du Direct Live from the Elsass ne seront plus accessibles puisqu'ils vont se consacrer exclusivement à la vidéo. Donc, progressivement, les émissions vont être déplacées, remises en ligne sur Mini Nova, avec déjà le direct poil from the Elsass et le direct live from the Buanderie, ces deux émissions. Et puis les liens Imule ont également été changés, étant donné que j'en ai profité pour retaguer les morceaux. Les émissions resteront disponibles en téléchargement rapide via le BitTorrent et puis un peu moins rapide via la mule, mais comme ça permet quand même de faire un petit peu la publicité de la musique libre en laissant les émissions à disposition là-dessus. Alors on a également on va aller également aux nouvelles tout à l'heure sur le lien sur Dogmazic avec les différentes nouvelles. Et maintenant il n'y a pas grand chose finalement de plus sur le blog de Dogmazic. C'est une compilation de soutien dont je toucherai mot tout à l'heure. Mais pour l'instant on va écouter le titre Brain Damage par l'artiste qui s'appelle Brain Damage et sorti de l'album Brain Damage. Ah oui, tout ça, ça vient en fait d'un 45 tours qui avait été publié en 1996. Et c'est sous licence Creative Commons by NCND 2.5, donc pareil que le titre précédent, vous pouvez le diffuser gratuitement dans un contexte non commercial sans avoir à demander d'autorisation. Mais donc vous ne pouvez pas le vendre, vous ne pouvez pas le diffuser dans un contexte commercial et vous ne pouvez pas non plus le diffuser dans une forme modifiée. Alors il s'agit du net label Chaiol Records également pour ce qui est de la plateforme de diffusion. Néanmoins, ce Chaiol Records, c'est tout simplement sur Dogmazic que vous le trouverez. Dans les replis de ton cerveau. À l'instant, Brain Damage, chanté par le groupe Brain Damage, issu d'un 45 tours intitulé Brain Damage, tout simplement. Que vous pouvez avoir, que vous pouvez télécharger depuis le site dogmazic.net sur la page http://www.dogmazic.net/brain_damage, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et toujours personne sur le chat, n'hésitez pas à venir faire un tour. Hein, tout ce qui. Vous allez sous la petite radio et l'autruche, il y a marqué planning de la radio, vous cliquez là-dessus, et puis vous avez un bouton qui s'appelle accès au chat en Java. C'est là que je vous attends pour pouvoir. Vous aurez également au fur et à mesure la playlist qui va être postée. Donc pour ce qui est de la musique, on est en plein dans la saison pour ça. Chat ou gris, tout simplement. Puisqu'on parlait de chat, chat ou gris. De l'album Banane Libre, sous licence Creative Commons by NCSA 3.0. Alors ça veut dire que vous pouvez le diffuser librement dans un contexte non commercial. En modifiant également si vous le voulez, mais en gardant la même licence, toujours la Creative Commons by NCSA 3.0 si vous voulez diffuser une version modifiée. Et donc forcément ça sera pas non plus dans un contexte commercial dans ce cas. Et ça c'est pour la licence. Donc le morceau qui est de saison en fait c'est Atchoum. Atchoum parce qu'on est encore en plein dans la saison des pollens. Les arbres ça vient de finir. Maintenant ce sont les graminées et les herbes qui prennent la suite. Et on peut ouvrir les mouchoirs. C'est tout à fait d'actualité encore. Ça avait été inscrit le 8 décembre 2006 sur le site dogmazic.net. Donc www.dogmazic.net/chatougris. C-H-A-T-O-U-G-R-I. On va copier. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir poster ça sur le chat et sur le forum pour ce qui est des informations. Donc, Chat ou Gris qui va nous éternuer son rock alternatif. We'll be right back. Alors, une pollinose, selon Wikipédia, est une allergie causée par le pollen de certains arbres, plantes, herbacées et graminées. Elle est couramment appelée le rhume des foins et c'est une des causes possibles, bon, des rhinites allergiques qui peut aussi être provoquée par de la poussière, des levures, des microbes, des moisissures et des choses comme ça. Donc la pollinose, ça apparaît le plus souvent entre 8 et 20 ans et paraît-il, ça diminue avec l'âge. La révélation d'une pollinose après 35 ans est assez rare. Et dans les pays riches, 15 à 25% de la population serait touchée par ce phénomène et ça semble en augmentation régulière. Alors le grain de pollen, c'est l'élément reproducteur qui est l'équivalent végétal du spermatozoïde qui est produit par les organes mâles des plantes et qui sont transportés par le vent. Un grain de pollen, c'est microscopique, ça fait de 5 à 250 micromètres. Certains pollens qui sont naturellement allergènes ou qui le deviennent suite à une potentialisation, une dégradation de leur cuticule, une modification biochimique suite à une pollution ambiante, donc ils provoquent, quand ils pénètrent les voies respiratoires, une vive réaction du système immunitaire chez les personnes qui y sont sensibles. Donc les pollens les plus allergènes, qui sont habituellement ceux des plantes anémophiles de taille de 20 à 60 micromètres et qui se déposent sur les muqueuses de l'appareil respiratoire, d'autant plus que l'air en contient et que l'environnement est pauvre en pollinisateurs dans le cas d'espèces à pollinisation non anémophile. Les fleurs des plantes anémophiles sont en général assez discrètes, elles sont ternes, sans odeur ni nectar, elles sont unisexuées et elles produisent d'énormes quantités de pollen et ce sont par exemple les graminées. D'autres espèces comme l'ambroisie, l'armoise, le bouleau, le cypresse, l'oseille, le pin, qui peuvent produire de grandes quantités de pollen, jusqu'à 7 milliards de grains de pollen par jour pour un pin, 2 milliards et demi pour un seul pied d'ambroisie pour une saison. Paradoxalement, c'est en ville et en milieu industrialisé que les plantes et les pollens sont plus rares et que les pollinoses sont les plus fréquentes et se développe le plus. Les enfants urbains peuvent se sensibiliser au pollen à cause de divers polluants, des pots d'échappement, du tabagisme passif, etc. Les études de terrain épidémiologiques, expérimentation in vitro présentent encore des résultats contradictoires mal expliqués, mais laissent penser que l'exposition du pollen de la plante à l'air pollué modifie la nature biochimique de la cuticule externe de certains pollens en les rendant allergisants ou plus allergènes, selon le cas notamment des polluants acides. Certains polluants fréquents en ville, tels que les superoxydants, les acides ou dans les paysages industrialisés, peuvent contribuer à dégrader la cuticule du grain de pollen. Les molécules sous-jacentes, dont des molécules de défense et protection du pollen pour certains allergènes, sont alors susceptibles d'entrer en contact avec les muqueuses lorsque le pollen est inhalé. Lorsque les environnements urbains sont artificialisés secs, les pollens ne sont pas fixés par les rosées, les mousses, les lichens, les sols humides et donc ils peuvent être remis en suspension plusieurs fois dans l'air et sont exposés aussi à l'abrasion de la cuticule. L'ozone peut également contribuer à dégrader les pollens. C'est d'ailleurs fortement suspecté d'être un sensibilisant des muqueuses qui augmente le risque d'allergie respiratoire. C'est-à-dire que ça sensibilise plus la personne quand on respire de l'ozone ou bien des microparticules perdues par les diesels. Les allergiques selon une étude japonaise étaient plus sensibles au pollen de cèdre lorsqu'ils vivaient à proximité de plantations et de voies de circulation combinées. Par exemple, quand il a plu, lorsqu'il a plu une pluie battante, les pollens trempent dans l'eau, la cuticule éclate parce que le pollen gonfle. Et une fois que ça sèche, le pollen est remis en circulation dans l'air et il est beaucoup plus allergisant parce que on a accès à l'intérieur du pollen, à la partie interne du pollen et directement aux protéines allergisantes. C'était cette chanson Atchoum qui était là un petit peu l'occasion de parler de ceci. Mais on va rester alors un petit peu dans de l'air, mais sous une autre forme. Cette fois-ci, On va aller marcher, Made for Walking, par Dilepsis 2006, qui a été mis en ligne néanmoins en 2008. C'est sur l'album Superman, sous licence Creative Commons by NCND. Vous pouvez diffuser dans un cadre non commercial, vous ne pouvez pas diffuser de version commercialisée ou avec de la publicité, vous ne pouvez pas modifier, il faut le mettre tel quel. Ça vient du net label Psychonin Production, www.psychonain.pro.tm. Et donc, Made for Walking, voilà, ça c'est le titre. Et ça sonne comme ça. Made for Walking par Dilepsis, de l'album Superman. Et où est-ce que j'en étais? Donc un piéton est une personne qui se déplace à pied, qui marche ou qui court, par opposition à celui qui utilise un véhicule. Il s'agit donc d'un mode de transport dit doux. Sa vitesse est de l'ordre du mètre par seconde. Un minimum de marches chaque jour est réputé nécessaire à la santé humaine. Ça reste le premier moyen de se transporter dans le monde, mais essentiellement dans les pays pauvres. Un bon marcheur endurant et pas beaucoup chargé parcourt plus de 20 km par jour. Mais dans les pays riches et urbanisés, hormis en vacances ou dans le cadre de randonnées, le piéton moyen parcourt au plus une dizaine de kilomètres par jour. Et de moins en moins depuis l'apparition de l'automobile. Dans les villes, on se déplace rarement à pied, à plus d'un kilomètre autour du domicile ou du lieu de travail. La question du piéton est notamment soulevée en urbanisme, où les espaces piétons, et en particulier le trottoir sur lequel circulent les piétons, peuvent faire l'objet de conflits d'usage avec d'autres modes de transport. Donc les associations de défense des mobilités douces reprochent aux urbanistes d'avoir produit des villes où l'on a surtout favorisé les automobiles. De même, sur les trottoirs, la cohabitation avec d'autres éléments aux cinétiques différentes, poussettes, rollers ou immobiles, mobilier urbain, peut créer des tensions. Enfin, le piéton est régulièrement amené à rejoindre le trottoir opposé et donc il doit traverser la chaussée. Faut parfois pouvoir traverser une autoroute, une voie ferrée, une rocade. Donc afin que cette traversée soit sécurisée, il faut créer des passages piétons, voire même des passerelles ou des passages souterrains. Donc ceci étant extrait également de Wikipédia. Merci Wikipédia parce que ça me permet de meubler avec la pomme qui est le fruit du pommier. On change de sujet, plus particulièrement du pommier domestique. C'est un arbre fruitier largement cultivé et l'étude de la culture des pommes constitue une partie de la pommologie qui englobe tous les fruits à pépins. La pomme est comestible, elle a un goût sucré ou acidulé selon les variétés. En général, on distingue trois types de pommes alimentaires, les pommes à cidre, les pommes de table et les pommes à couteau, ainsi que les pommes à cuire qui appartiennent à un des deux premiers types, mais qui supportent bien la cuisson. Ces trois types sont issus de l'espèce Malus pumila, qui compte plus de 20 000 variétés à travers le monde. Plusieurs boissons sont élaborées à base de pommes, en particulier le jus de pomme sans fermentation, sucré et non alcoolisé. Donc le mot pomme qui vient du latin pomum, mais ce dernier mot est un parfait exemple de pommes amies. En effet, la pomme est appelée malum en elle-même, qui a donné mela en italien ou mar en roumain, alors que pomum désigne n'importe quel fruit. Pomona, c'est la déesse des fruits. Donc le mot pomme a remplacé malum, car d'une part malum fait penser à malus, le mâle, et d'autre part la pomme demeure le fruit, le pomum, par excellence. L'usage du mot pomme pour désigner un fruit a d'ailleurs perduré longtemps, comme en témoignent les noms de pomme de terre, pomme de Jacques, pomme d'orange, ou pomme de pin, ou encore pomme cannelle. Le genre féminin du mot français vient d'une confusion entre la terminaison en A du nominatif pluriel de ce mot, qui en réalité est neutre, et la terminaison courante des mots féminins de la première déclinaison du nominatif singulier. En Afrique francophone, le mot pomme désigne la pomme de terre, la pomme quant à elle est désignée sous le terme pomme-fruit ou pomme de France. Pour vous faire passer tout simplement... Petite pomme par Eva est morte, qui a été composée en 2008 et mise le 22 avril en ligne sous licence Creative Commons by NCND 2.5. Et donc cette première partie d'émission forcément sera sous licence également Creative Commons by NCND 2.0. Voilà pour l'information que je peux vous donner. Ça se trouve, vous pouvez trouver ça sur Dogmazic. www.dogmazic.net/Eva est morte en un seul mot, tout collé ensemble et tout en minuscules. la jungle des rumeurs. Tu les sens mauvaises, tu les sens hostiles. Il faut que tu cours, il faudra bien courir. Il faut que tu cours. Au rythme du feu.